Luc chapitre 4. Or Jésus étant rempli du Saint-Esprit, s'en retourna de devers le Jourdain, et fut mené par la vertu de l'Esprit au désert. Et il fut tenté du diable 40 jours, et ne mangea rien du tout durant ces jours-là, mais après qu'ils furent passés, finalement il eut faim. Et le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Et Jésus lui répondit, en disant, « Il est écrit, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole de Dieu. » Alors le diable l'emmena sur une haute montagne, et lui montra en un moment de temps tous les royaumes du monde. Et le diable lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et leur gloire, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si tu veux donc te prosterner devant moi, tout sera tien. » Mais Jésus répondant, lui dit, « Va arrière de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Il l'amena aussi à Jérusalem, et le mit sur la balustrade du temple, et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, qu'il ordonnera à ses anges de te conserver, et qu'ils te porteront en leurs mains, de peur que tu ne heurtes ton pied contre quelque pierre. » Mais Jésus répondant, lui dit, « Il a été dit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Et quand toute la tentation fut finie, le diable se retira d'avec lui pour un temps. Et Jésus retourna en Galilée par la vertu de l'Esprit, et sa renommée se répandit par tout le pays d'alentour. Car il enseignait dans leur synagogue, et était honoré de tous. Et il vint à Nazareth, où il avait été nourri, et entra dans la synagogue le jour du sabbat, selon sa coutume, puis il se leva pour lire. Et on lui donna le livre du prophète Ésaïe, et quand il eut déployé le livre, il trouva le passage où il est écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, il m'a envoyé pour évangéliser aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur froissé, pour publier aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour mettre en liberté ceux qui sont foulés, et pour publier l'an agréable du Seigneur. » Puis ayant ployé le livre, et l'ayant rendu au ministre, il s'assit, et les yeux de tous ceux qui étaient dans la synagogue, étaient arrêtés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui cette écriture est accomplie, vous l'entendant. » Et tous lui rendaient témoignage, et s'étonnaient des paroles pleines de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient, « Celui-ci n'est-il pas le fils de Joseph ?» Et il leur dit, « Assurément vous me direz ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même, et fais ici, dans ton pays, toutes les choses que nous avons ouï dire, que tu as faites à Capernaüm. » Mais il leur dit, « En vérité, je vous dis, qu'aucun prophète n'est bien reçu dans son pays. Et certes je vous dis, qu'il y avait plusieurs veuves en Israël, du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, de sorte qu'il y eut une grande famine par tout le pays. Et toutefois Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, mais seulement vers une femme veuve, dans Sarepta de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète, toutefois pas un d'eux ne fut guéri, mais seulement Naaman, qui était syrien. Et ils furent tout remplis de colère dans la synagogue, entendant ces choses. Et s'étant levés, ils le mirent hors de la ville, et le menèrent jusqu'au bord de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, pour le jeter du haut en bas. Mais il passa au milieu d'eux, et s'en alla. Et il descendit à Capernaüm, ville de Galilée, et il les enseignait là, les jours de sabbat. Et ils s'étonnaient de sa doctrine, car sa parole était avec autorité. Or il y avait dans la synagogue, un homme qui était possédé d'un démon impur, lequel s'écria à haute voix, en disant, « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus Nazaréen? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Et Jésus le censura fortement, en lui disant, « Tais-toi, et sors de cet homme. » Et le diable, après l'avoir jeté avec impétuosité au milieu de l'assemblée, sortit de cet homme, sans lui avoir fait aucun mal. Et ils furent tous saisis d'étonnement, et ils parlaient entre eux, et disaient, « Quelle parole est celle-ci, qu'il commande avec autorité et avec puissance aux esprits mondes, et ils sortent ?» Et sa renommée se répandit dans tous les quartiers du pays d'alentour. Et quand Jésus se fut levé de la synagogue, il entra dans la maison de Simon, et la belle-mère de Simon était détenue d'une grosse fièvre, et on le pria pour elle. Et s'étant penché sur elle, il pansa la fièvre, et la fièvre la quitta, et incontinent elle se leva, et les servit. Et comme le soleil se couchait, tous ceux qui avaient des malades de diverses maladies, les lui amenèrent, et posant les mains sur chacun d'eux, il les guérissait. Les démons aussi sortaient hors de plusieurs, criant et disant, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Mais il les censurait fortement, et ne leur permettait pas de dire, qu'ils sussent qu'il était le Christ. Et dès qu'il fut jour, il partit, et s'en alla en un lieu désert, et les troupes le cherchaient, et étant venues à lui, elles le retenaient, afin qu'il ne partît point d'avec eux. Mais il leur dit, « Il faut que j'évangélise aussi aux autres villes le royaume de Dieu, car je suis envoyé pour cela. » Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée.